On les a appelés les affreux, des mercenaires à l'ancienne, c'est-à-dire avant que n'apparaissent sur le marché de la guerre ces armées privées, cotées en bourse et quasi industrialisées telles Blackwater. Non, ceux-là, les affreux, étaient souvent des soldats perdus et toujours des types en mal d'aventure, français, belges, yougoslaves, sud-africains. Ils se sont rendus tristement célèbres en combattant dans l'ex-Congo belge dans les années 60 ou sur d'autres théâtres d'opérations africains où ils ont généralement soutenu le pouvoir blanc ou des causes néocolonialistes. L'une de leurs dernières équipées, ayant été rangée sous la bannière du mythique Bob Denard, une tentative de prise de pouvoir dans les Comores. Mais on connaît moins le rôle qu'ils ont joué en 1996 et 1997, lorsque la France a essayé vainement de sauver le soldat Mobutu, notre ami le dictateur zaïrois. Une intervention militaire désastreuse et sanglante qui a aussi été, symboliquement, le chant du cygne de Jacques Foccart, le grand prêtre de la France-Afrique. Monsieur X m'a donc proposé cette semaine de me raconter cet ultime épisode de l'intervention des affreux sur le continent africain, où Paris n'a pas hésité à mobiliser dans le plus grand secret des criminels de guerre serbes. Un coup de CNB. Wabenere Mupata. Sema bila shaka bila hofu Sema Master Braka leo muredio Sema kama kila mutu anana fasi yake na haki ya maisha we ulimwenguni Sema Sema bila shaka bila hofu Sema Master Braka leo muredio Sema kama kila mutu anana fasi yake na haki ya maisha we ulimwenguni Sema Sema kama wewe ni mwana wa Shamshu Heri waliyeumba muji wa Tameri Kwa heshima na mapenzi ya wazazi Sema Sema Sema kama wewe ni mfalme wa kutoka muji wa mashariki Sema Sema Sema Sema kama wewe ni mfalme wa kutoka muji wa mashariki Sema Sema kama wewe ni mfalme wa kutoka muji wa mashariki Sema Sema Walivyojenga sema tawi Walivyojenga muji wa Tameri Rendez-vous avec X. Le contexte d'abord. L'année 1996 est crépusculaire pour Mobutu, le maître du Zaïre, le léopard, comme on l'appelle. Oui, à cause de la toque en peau de léopard qu'il coiffe en permanence. Hein. C'est ça. Et quand j'utilise l'épithète crépusculaire, c'est à dessein. Mobutu, qui règne sans partage sur le Zaïre pratiquement depuis son indépendance, est alors gravement malade. Un cancer, hein. Oui, il a été opéré en Suisse, mais la maladie finira par l'emporter en 1997. Toutefois, le danger qui le menace est d'abord politique. Oui, c'est la rébellion qui sévit à l'Est. Hein. Au Kivu, oui. Son animateur est un agitateur bien connu, Laurent Désiré Kabila, qui n'a cessé de fomenter des complots contre le gouvernement central de Kinshasa. Mais sans grand succès jusque-là. Cependant, ce sont les dramatiques événements du Rwanda qui vont lui permettre de réaliser ses ambitions. Je vous explique. Après la victoire de Kagame, de très nombreux Hutus ont fui leur pays pour se réfugier dans l'est du Congo. Et parmi eux, il y a des militaires ou des miliciens qui ont été des acteurs du génocide. Bien évidemment. Et cette présence massive inquiète de nouveaux pouvoirs rwandais. Le président Kagame va donc se servir de l'obscur Kabila pour juguler cette menace et nettoyer, le mot est terrible, ses camps de réfugiés Hutus. Et observons au passage que la province congolaise du Kivu n'en finit pas d'en payer les conséquences. Ouais. Bon, je n'insiste pas car nous en avons souvent parlé. Alors, Kabila, il a d'abord été mis en selle par le président ougandais, Museveni, qui lui n'a qu'un objectif, déstabiliser son immense voisin congolais et affaiblir le régime déjà vacillant de Mobutu. À l'époque, on a prétendu qu'il s'agissait aussi d'une offensive des acteurs anglophones de la région pour amoindrir l'influence des francophones dans cette partie du continent africain. Et ce n'est pas tout à fait faux, puisque les Américains vont apporter un soutien notable à Kabila. Celui-ci, donc, après avoir été encouragé par l'Ouganda, se met au service du président rwandais. En septembre 1996, il crée son mouvement, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, la FDL. En principe, c'est une coalition de plusieurs organisations d'opposants congolais. Mais rapidement, Kabila va s'imposer, et parfois en se débarrassant physiquement de ses rivaux au sein de son organisation. Cette AFDL est aussi un mouvement militaire. Qui va donner naissance à une véritable armée, en recrutant des hommes au fur et à mesure de ses conquêtes territoriales. Kabila commence donc, à la demande de son commanditaire rwandais, par combattre les Hutus installés au Kivu, aux frontières du Rwanda et de l'Ouganda. Et ça se traduit par de nombreux massacres. En même temps, il s'attaque aux forces armées aéroises présentes au Kivu. Avec succès ? Oui, car l'armée aéroise n'est pas capable de lui résister. Elle est minée par la corruption et ses soldats, qui souvent ne sont pas payés depuis des mois, ne sont pas en état de riposter. On voit même certains officiers vendre armes et munitions aux rebelles qu'ils sont censés combattre. Kabila va bientôt pouvoir contrôler tout le Kivu. Et en novembre 1996, ses troupes s'emparent de Goma, la capitale de la province. Mais pour Kabila, ce n'est qu'une étape. Oui, car il vise en fait la conquête de tout le Zaïre. C'est évidemment son véritable objectif. Et à Kinshasa alors, comment réagit-on ? Au début de la guerre, les responsables politiques et militaires de Kinshasa ne prennent pas du tout au sérieux la situation. Et d'abord parce que le Kivu est bien trop loin de la capitale. L'extrême est de ce pays gigantesque. Et Mobutu ne s'est jamais vraiment intéressé à cette région. Toutefois, la chute de Goma commence à sérieusement l'inquiéter. Alors, obéissant à un réflexe traditionnel, le dictateur zaïrois, affaibli par la maladie, va en appeler à la France-Afrique. À l'époque, en 1996, où en sont les relations entre la France et le Zaïre ? Elles ont connu des hauts et des bas. En 1991, après la mutinerie de l'armée zaïroise qui a dévasté Kinshasa au mois de septembre, la coopération entre les deux pays est interrompue. Mobutu devient alors un paria pour les Français, pour les Belges, mais aussi pour les États-Unis dont il a longtemps été très proche. Oui, on a même dit qu'il avait appartenu à la CIA. Puis la relation avec Paris se refroidit encore un peu plus après l'assassinat en 1993 de Philippe Bernard, notre ambassadeur à Kinshasa. Mais un an plus tard, Mobutu récupère la faveur de la France. Oui, c'est à cause des événements du Rwanda ? Oui, notre pays dangereusement engagé au Rwanda bénéficie de renseignements récoltés par les Aérois. Mais surtout, lorsque sera lancée l'opération Turquoise, l'armée française pourra implanter dans l'est du pays une base arrière qui lui sera bien utile. C'est donc un rapprochement de circonstances. Et c'est pourquoi, lorsqu'à l'automne 1996, Mobutu lancera à la France un véritable appel au secours, il sera entendu. Toutefois, ça n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce qu'à la tête de l'État, on est loin d'être unanime. Jacques Chirac, élu à la présidence en 1995, est plutôt un chaud partisan de la France-Afrique. Il en donne la preuve en appelant auprès de lui un revenant. Jacques Foccart. L'homme clé de la France-Afrique sous De Gaulle, et aussi sous la présidence Pompidou, même si son étoile a commencé à pâlir. Assez curieusement, ce retour de Foccart est loin d'effaroucher les réseaux africains mis en place par François Mitterrand. Mais le clan des Baladuriens ne veut absolument pas renouer avec Mobutu. Et puis, il y a dans l'entourage même de Chirac des hommes qui sont également sur cette ligne. À qui ? On trouve parmi eux le secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin, mais aussi le Premier ministre, Alain Juppé, qui sont en même temps tous les deux très hostiles au retour de Jacques Foccart auprès de Jacques Chirac. Oui, parce que ça signifie aussi le recours à des pratiques condamnables. On peut le penser. Mais j'imagine que ça doit embarrasser Chirac, tout ça, non ? Bien évidemment. Parce que s'il a réhabilité Foccart, c'est essentiellement parce que celui-ci a été l'éminence grise du général de Gaulle. Mais il sait parfaitement que le monde africain a évolué et que la politique française en Afrique doit aussi changer. Alors, en l'occurrence, que va-t-il faire ? Eh bien, il est tenté de satisfaire tout le monde en choisissant une solution inédite. Désormais, il existera deux cellules africaines à l'Élysée. L'une très officielle, dirigée par un ambassadeur chevronné, Michel Dupuche, qui est nommé conseiller à la présidence de la République. Et l'autre, officieuse, logée aux deux rues de l'Élysée. Et donc confiée à Jacques Foccart. Qui devient le représentant personnel de Chirac auprès des chefs d'État africains. Dans cette fonction, il est assisté par un vétéran de la France-Afrique, le Facochère. Qui désigne ainsi cet élégant surnom ? Fernand Vibault, un ambassadeur qui a toujours été un pilier de la France-Afrique à la mode des années 50 ou 60. Ouais, donc un homme qui ne veut rien changer. C'est évident. En même temps, Chirac, en réinstallant ses deux vieux chevaux de retour dans une position marginale, entend peu à peu mettre fin à une certaine conception des rapports franco-africains, sans toutefois faire de peine à celui qui a incarné historiquement la politique de la France en Afrique. Alors vous voulez dire que le 2 rue de l'Élysée serait une sorte de maison de retraite ? N'exagérons quand même pas. Alors revenons à la situation du Zaïre. La demande d'aide émise par un Mobutu paniqué exacerbe les tensions entre les deux cellules africaines de l'Élysée. Cependant, surprise, Villepin se rallie au clan adverse des anciens. Foccart et Vibault. Oui, parce qu'il estime qu'il faut à tout prix sauver Mobutu. Et la cellule officielle, alors ? Ah ben, elle est d'un avis contraire. À quoi servirait de venir en aide à un vieux despote malade et corrompu dont le régime semble déjà condamné ? Une opinion partagée par notre service de renseignement, la DGSE, qui répugne à s'occuper de la question zaïroise. Mais donc, alors, si je comprends bien, le clan Foccart est bien décidé à répondre positivement à Mobutu. Oui. Et fin octobre 1996, c'est-à-dire avant même la prise de Goma par les soldats de Kabila, Villepin et Vibault se rendent au chevet de Mobutu qui passe sa convalescence en Suisse. Et pourquoi ce voyage-là ? Les deux Français veulent se rendre compte par eux-mêmes de l'état physique dans lequel se trouvent les Zaïrois. Et donc savoir s'il peut reprendre les rênes de son pays alors ? Ben, ils sont plutôt optimistes. Ils lui rendront quand même une seconde visite, cette fois dans sa villa de Roquebrune, Cap Saint-Martin, où il se repose sans manifester l'intention de regagner son pays. Et là, pardonnez-moi l'expression, mais Villepin et Vibault le secouent. Il doit retourner le plus rapidement possible au Zaïre, organiser des élections, mobiliser son armée. Et en contrepartie, on lui promet une assistance militaire discrète qui lui permettra de reprendre l'offensive contre les rebelles de Kabila. Sous quelle forme, là, cette assistance ? Bah déjà, il est question de recrutement de mercenaires. Exactement comme au début des années 60, lorsque les mercenaires engagés au Katanga avaient sauvé la mise à Moïse Tshombe. Inter. Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Quel a été le rôle et l'importance de Jacques Foccart auprès de son ami Chirac dans l'élaboration de sa politique africaine ? Le spécialiste de l'Afrique, Jean-François Bayard propose cette analyse dans un article du Monde d'avril 1997. Focard était âgé et malade. Néanmoins, son influence a été décisive à trois reprises au moins. En 1994, lorsque Paris a pris la décision surréaliste de restaurer Mobutu comme pacificateur de la région des Grands Lacs au lendemain du génocide des Tutsis au Rwanda. En 1995, lorsqu'il est parvenu à faire nommer ministre de la coopération Jacques Godfrin, un homme à lui, et à faire avorter la réforme de l'aide publique au développement. En 1996, enfin, en obtenant que Paris persiste à jouer la carte d'un Mobutu mourant et discrédité. Mais Focard était un peu comme ces vieux fétiches des royaumes africains que l'on sort dans les grandes occasions. Des hommes de l'ombre, proches de lui, plus jeunes, avaient pris le relais depuis longtemps. Rendez-vous avec X. En attendant le recrutement des mercenaires et leur arrivée sur place, Paris se montre de plus en plus interventionniste, au Zaïre même. À la mi-décembre, la France impose, par exemple à Mobutu, la nomination d'un général en disgrâce, Marc Mahélé, comme chef des forces armées zaïroises. Pourquoi ce choix ? Mahélé est un officier compétent. Ah oui, à la différence de nombreux autres militaires zaïrois. C'est implicite. Autre intérêt de cette nomination, ce général très proche des services français a été élève à l'école de guerre et en 1990 a commandé une unité zaïroise venue secourir aux côtés des instructeurs français le régime du Rwandais à Biarimana. Mahélé est donc grâce à la France, le numéro un de l'armée. Et il exerce son autorité sur toutes les unités, y compris les unités d'élite comme la DSP, la Division Spéciale Présidentielle, qui jusque-là n'obéissait qu'à Mobutu. Et en effectif, alors, que représentent ces forces armées zaïroises ? Théoriquement, elles rassemblent 75 000 hommes, mais Mahélé ne peut compter que sur les seules unités d'élite, quelques milliers de soldats, tout au plus. Les autres militaires étant quasi clochardisés et vivant au crochet des habitants, là où ils sont stationnés. En outre, ils ne sont ni équipés, ni entraînés. Autant dire que la tâche de ce général est accablante. Parce qu'il lui faut aussi rétablir un semblant d'ordre à Kinshasa, où des déserteurs se livrent à des scènes de pillage. Quel est malgré tout le plan qu'il envisage ? Il compte lancer, depuis Kisangani, la deuxième ville du Zaïre, une contre-offensive en direction du Kivu. Puis il envoie des renforts au nord de ce même Kivu, afin d'arrêter la progression des rebelles. Oui, afin de les prendre en tenaille. Ce qui aurait peut-être été possible avec une armée entraînée et disciplinée. Ici, une parenthèse. Les forces armées zaïroises n'étaient pourtant pas tout à fait dépourvues de moyens. Pour remercier Mobutu d'avoir soutenu la coalition lors de la première guerre du Golfe, le Koweït finançait l'entraînement des unités d'élite. Un entraînement dispensé par des instructeurs israéliens. Mais je poursuis. À Paris, les Focard et autres vibos comprennent vite que le général Mahélé ne parviendra pas à venir à bout des rebelles de Kabila. Ouais. Il faut donc lui donner un coup de pouce. Et d'ailleurs, à la cellule africaine de l'Élysée, on ne cesse de recevoir des appels téléphoniques affolés de Mobutu. Et d'où la décision alors d'engager des mercenaires. Des professionnels de la guerre, en exploitant aussi la mystique du combattant blanc, quasiment invincible, qui avait si bien fonctionné autrefois au Katanga. Et c'est ainsi que, dans la plus grande discrétion, on reprend contact avec les équipes de Bob Denard, tout en tenant celui-ci à l'écart. Oui, car on ne lui a pas pardonné son aventure foutraque là, aux Comores. Hein. En 1995, oui. Un de ses lieutenants, René Dulac, alias Le Grand, est donc convoqué à l'Élysée. On lui explique l'objectif d'une éventuelle intervention. S'il n'est pas possible de sauver Mobutu, il faut au moins lui assurer une sortie honorable, quitte à négocier avec Kabila. Mais l'ancien mercenaire ne donne pas suite. Ah, c'est peut-être qu'il juge la situation désespérée. Certainement. Mais Focard et Vibo ne renoncent pas. Ils sollicitent un officier belge devenu mercenaire, Christian Tavernier, un ancien affreux du Katanga. Et lui accepte ? Oui, Et il recrute aussitôt une trentaine d'hommes, des Français pour la plupart. D'où viennent-ils, ceux-là ? À l'exception de quelques anciens chiens de guerre fatigués de la bande de Bob Denard, ce sont des gros bras issus des milieux d'extrême droite, dont certains sont des membres du service d'ordre du Front National. On y trouvera même le chauffeur de Jean-Marie Le Pen. Mais si ces individus sont des spécialistes du maniement du manche de pioche, ce ne sont pas des militaires professionnels. On va rapidement s'en apercevoir. Mm-hmm. Et ils partent au Zaïre ? À la fin 1996, ils ont tous reçu un viatique de 90 000 francs. Oh, c'est pas mal payé, hein ? En effet. Mais les fonds secrets sont inépuisables. Sur place, ils doivent opérer en soutien des unités zaïroises encore opérationnelles dans l'extrême est du pays. Mais la chute de la ville de Bunia contrecarre ce projet. Ils sont alors acheminés à Ouatsa, dans la province orientale. Cependant, les rebelles occupent déjà les faubourgs, et c'est Pékin qui débarque en complet civil, ne tarde pas à être cerné par des combattants rwandais. Ils abandonnent leur matériel et sont sauvés in extremis. Ouais, c'est la débandade, quoi. Ils sont aussitôt rapatriés. Ils ne seront restés au Zaïre qu'un tout petit mois et demi. Oui. Après cet échec, la cellule africaine met-elle fin à l'opération mercenaire ? Non. D'autres hommes sont sollicités, même s'il est difficile d'affirmer qu'ils ont effectivement agi sur le terrain. Et qui sont-ils alors, c'est Il y a parmi eux Alain Le Carreau, un ancien lieutenant-colonel du groupe de sécurité de la présidence de la République, à l'époque de Mitterrand. Et puis aussi l'ancien gendarme, Robert Montoya, qui a été membre de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Toujours sous Mitterrand. Ce Montoya a depuis fait sa plotte au Togo, où grâce à Eyadema, il est devenu marchand d'armes. Et on a parlé de lui à l'occasion de l'attaque du camp de Boaké en Côte d'Ivoire. Où plusieurs militaires français ont été mitraillés par l'aviation de Gbagbo. C'est Montoya qui aurait recruté les pilotes ukrainiens, qu'il réussira d'ailleurs à faire exfiltrer au Togo, à la barbe et au nez des autorités militaires françaises. Mais enfin, passons. Le Carreau et Montoya auraient donc essayé, eux aussi, d'envoyer des mercenaires au Zaïre. Mais tous deux ont nié. Et l'Élysée a également démenti énergiquement. Ouais, on sait ce que valent les démentis dans ce genre d'affaires. Hein. Je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, la cellule africaine de l'Élysée s'entête et se tourne vers un autre gisement de mercenaires, si je puis dire. Et qui, alors ? Les Yougoslaves. Après les accords de Dayton et le retour de la paix dans les pays de l'ex-Yougoslavie, s'y trouvaient beaucoup de soldats désœuvrés. Aussi pas mal de criminels de guerre qui avaient peut-être envie de se faire oublier, hein, ou d'aller voir ailleurs, au moins provisoirement. C'est certain. Alors, qui a pris cette initiative ? Paris ? Ou Kinshasa. Bon, au fond, peu importe. En tout cas, c'est avec l'accord du pouvoir serbe. Et donc de Milosevic. Que vont être recrutés ces mercenaires. L'homme qui est à la manœuvre est un franco-serbe, Dominik Jugo, de son vrai nom Jugoslav Petrušić. Mais il se fait aussi appeler le colonel Dominik. C'est un grand baraqué qui est une vieille connaissance de la DST française. Ah oui, le service de renseignement. Et c'est quoi ? C'est un informateur, un correspondant ? Comme vous voudrez. Il aurait rendu des services pendant le conflit en ex-Yougoslavie. Ce fils d'un parachutiste serbe a atterri à Paris, où il a commencé par devenir videur de squat au début des années 90. C'est à ce moment-là qu'il a été repéré par la DST, à l'instar d'autres jeunes immigrés originaires des Balkans, tous proches de la cause de la Grande Serbie. Grâce à son mariage avec une Française, il a obtenu la double nationalité. Ouais. Mais en quoi ce Jugo là, pouvait-il être utile à notre service de renseignement ? Je vous explique. Entre 1992 et 1995, on le retrouve en Bosnie. Il est un temps garde du corps de Karadzic, le chef politique des Serbes bosniaques. Puis il participe à des opérations de renseignement et de sabotage au sein d'une unité militaire rattachée au QG du général Mladic. Oui, qui est aujourd'hui détenu par la Cour pénale internationale. Afin d'être jugé en tant que criminel de guerre. Et oui. Surtout pour sa responsabilité dans le massacre de Srebrenica. Où semble-t-il, Jugo a pris sa part. Ouais. Il aurait aussi joué un rôle dans l'affaire de nos deux pilotes retenus en otage par Mladic. Il se serait alors vanté d'avoir donné un coup de main au préfet Marchiani qui tentait de les faire libérer. Mais ce n'est pas vraiment clair. Puis, grâce à ses contacts avec les services secrets tant serbes que français, il serait reconverti dans les affaires en travaillant à l'occasion pour une société parisienne, Gerolink, spécialisée dans la vente de matériel de radiotransmission, mais qui ne dédaignerait pas de s'occuper aussi de mercenariat. Alors, c'est par l'entremise de cette société que les mercenaires auraient été recrutés ? Il semble, oui. Et contre une somme rondelette, selon un journaliste généralement bien informé, Hubert Coudurier. La société, qui a bien sûr nié plus tard, aurait demandé 25 millions de francs pour fournir entre 150 et 200 mercenaires, parmi lesquels une majorité de Serbes, mais aussi des Croates, des Russes et des Polonais. Des hommes expérimentés ? En principe, oui. Même si certains sont beaucoup plus connus pour les exactions qu'ils ont commises lors du conflit dans l'ex-Yougoslavie. Un éclairage sur ces mercenaires recrutés à la hâte avec l'accord des services secrets serbes. Je l'ai trouvé dans l'ouvrage de Jacques Massé, Nos chers criminels de guerre. Extrait. Avant de leur remettre un visa obtenu auprès de l'ambassade du Zaïre en France, avait-on eu l'idée, à Paris, de vérifier le passé de ces guerriers ? Une chose est sûre, Misa Pelemis, la cheville ouvrière, avait été identifiée. Cette tête brûlée est facilement repérable avec son éternelle chaîne en or autour du cou, dont on dit qu'elle avait été fabriquée avec le produit des pillages de la guerre. De surcroît, il était connu des Français pour avoir emprunté, entre guillemets, un véhicule de la fort pronue avant les tueries de Srebrenica. Des conseillers de la présidence de la République organisèrent une fuite pour signifier leur réserve, d'autant que Pelemis n'était pas seul en cause. Plusieurs de ses camarades du peloton du groupe de sabotage étaient de la partie. Cette troupe de mercenaires de sacs et de cordes s'envole pour l'Afrique à la mi-janvier 1997. Ils doivent être basés à Kisangani. Un autre Serbe, un officier des services secrets qui dirige aussi une société d'import-export, est chargé de fournir le matériel militaire. En plus des armes, il livre 3 hélicoptères Mi-24 et 3 avions légers Air Maki. Ils sont mieux équipés que les premiers mercenaires français. Hein. C'est juste. Et pourtant, le résultat ne va guère être plus glorieux. Et pour quelles raisons, alors, plus précisément ? Oh, elles sont nombreuses. D'abord, sur place règne la plus grande confusion. En fait, rien n'a été vraiment préparé. Et le colonel belge Christian Tavernier, qui commande en principe cette Légion blanche, a fort à faire. Il a beau fanfaronner, prétendre qu'il dispose d'une suprématie aérienne absolue, on s'achemine vers un nouveau désastre. Justement, parlant de suprématie, là, les hélicoptères de combat. Au début, c'est vrai qu'ils sont utilisés avec succès lors de quelques raids. Mais leur logistique demande des infrastructures qui sont pratiquement inexistantes dans cette partie du Zaïre. En outre, et ça pourrait être comique, sinon grotesque, les pilotes mercenaires menacent de s'en prendre aux équipages aériens de la force d'interposition de l'ONU. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, ces Serbes ont affronté ces mêmes casques bleus en Bosnie. Mais ce n'est pas tout. Ces Serbes sont incontrôlables. Des fous furieux, dira même un mercenaire français. C'est si vrai que l'attaché militaire français présent sur place s'affole, demande à ces nouveaux affreux de se faire plus discret, car ce qu'il fallait craindre se produit. On observe de nombreuses atrocités. Et perpétrées par ces mercenaires ? Oui. Un rapport de l'ONG Human Rights Watch, publié en octobre 1997, cite le cas de 2 missionnaires protestants accusés d'être des espions et assassinés sur la route de l'aéroport de Kisangani. Ou encore celui d'un commerçant de Goma torturé par Yugo en personne. Et comment évolue la situation militaire ? Les forces de Kabila se rapprochent de Kisangani, tant et si bien que les Serbes abandonnent la ville à la mi-mars 1997. Leur mission aura duré à peine 2 mois et Kisangani finit par tomber. Un nouvel échec par conséquent, et à Paris alors, comment vit-on cela ? C'est la panique, d'autant que les désaccords internes s'accroissent sur la marche à suivre, et d'aucuns, surtout chez les militaires, ne se privent pas de souligner les erreurs qui ont été commises. Quelles erreurs, par exemple ? Certains, à la cellule africaine, estiment qu'on aurait dû faire appel dès le début à de vrais professionnels, tels que les Sud-Africains. Oui, à la place des mercenaires français et serbes. Oui, en tout cas, il est clair que la force des troupes rebelles de Kabila a été sous-estimée par les experts français et autres spécialistes de l'Afrique. C'est d'autant plus vrai que les Américains, eux, ne s'y sont pas trompés et qu'ils ont misé dès le départ sur le cheval Kabila en lui apportant une importante aide matérielle. Et est-ce que ces militaires français critiques, alors, est-ce qu'ils mettent en cause les politiques ? Ben, comme d'habitude, j'allais dire. Quand il y a une défaite, c'est la faute des politiques. Et quand on gagne, c'est grâce aux militaires. Mais enfin, passons. Non, attendez. Qu'aurait-il fallu faire, là, selon ces militaires ? Au ministère de la Défense, on était partisans d'une riposte vigoureuse. Et plusieurs options avaient été étudiées par l'état-major, comme par exemple le bombardement des terrains d'aviation et des ponts franchissant le fleuve Zaïre. Mais le pouvoir politique n'a pas suivi. L'Élysée a refusé tous les scénarios envisagés. Et son secrétaire général Dominique de Villepin, d'abord favorable aux initiatives de la cellule africaine de Focard et Vibo, n'a pas tardé à prendre ses distances. Surtout à partir du moment où la presse a commencé à évoquer l'implication française dans le recrutement des mercenaires. Ouais, c'est un reniement. Et l'ouverture du grand bal des hypocrites. Les uns après les autres, les officiels français nient. À l'image du général Germanos, chef du cabinet militaire du ministre de la Défense, Charles Millon, qui ose dire « On savait que Mobutu recrutait des mercenaires, mais nous ne savions pas qui ils étaient vraiment ». Ce à quoi Hugo, alias colonel Dominique, a répondu « Allez place Beauvau au ministère de l'Intérieur, ils savent bien que je suis là-bas ». Et du côté de la cellule africaine de Focard, alors ? Fernand Vibo, contre toute vraisemblance, dément toute implication dans une interview au Figaro. Ce qui oblige le malheureux colonel Tavernier, qui a été visiblement dépassé, à prétendre que le recrutement a été le fait d'un obscur réseau mafieux dirigé par un ex-conseiller de Mobutu, un certain Sétillal, dont on sait très bien qu'il a toujours maintenu des liens serrés avec les services français. Ouais, c'est donc cousu de fil blanc. Ça devient franchement ridicule. En avril 1997, c'est-à-dire un moment où plus vraiment personne ne parie sur les chances de Mobutu de rester au pouvoir, le ministre français des Affaires étrangères, Hervé de Charette, déclare au Monde que le président zaïrois demeure incontournable, tandis que l'ancien ministre de la Défense, François Léotard, lui décerne le coup de pied de l'âne en déclarant que la France donne l'impression de soutenir jusqu'au bout un régime largement discrédité. Est-ce que Paris met en cause le soutien que Washington apporte à Laurent Désiré Kabila ? Non, c'est encore l'hypocrisie qui prévaut. La France fait semblant de croire qu'il existe au sujet du Zaïre une parfaite collaboration avec l'ami américain. Et Paris en donne comme preuve l'organisation conjointe, début mai, d'une rencontre de la dernière chance entre Mobutu et Kabila, au large de Pointe-Noire, sur un navire sud-africain. Kinshasa est alors sur le point de tomber. Et les Américains et les Français, ensemble, voudraient prévenir des combats qui s'annoncent sanglants. Mais en réalité, la France est mise hors jeu. C'est-à-dire ? L'ambassadeur français n'est même pas invité à participer à la rencontre. Et cette rencontre, alors, qu'en sort-il ? Pas grand-chose. Kabila, assuré de gagner, ne veut rien lâcher et poursuit sa marche triomphale vers la capitale. Pourtant, Jacques Chirac ne désespère pas d'imposer son propre plan de transition, c'est-à-dire le maintien de Mobutu et la tenue immédiate d'élections. Mais en réalité, il n'a plus son mot à dire et son protégé Mobutu est condamné à l'impuissance. Il s'est réfugié dans son palais de Gbadolite, sa ville natale, située dans le nord-ouest du pays. Mais il va devoir fuir sous le feu de soldats révoltés, des hommes appartenant à l'ethnie du général Maélé, qui veulent venger leur chef. Ouais, le venger, mais pourquoi s'est-il passé ? Maélé, jugeant la situation des forces armées zaïroises désespérées, a pris contact avec les troupes de Kabila afin de négocier sa reddition. mais il a été abattu par un fils de Mobutu qui l'a accusé de trahison. Le président zaïrois doit donc s'enfuir au plus vite. Son avion s'envole vers le Togo, où le dictateur reste quelques semaines avant d'aller mourir en septembre au Maroc, où le roi Hassan II lui a offert l'hospitalité. Il y meurt de son cancer le 8 septembre 1997. Il n'a pas tenté de venir en France ? Le nouveau Premier ministre, Lionel Jospin, nommé après la dissolution de l'Assemblée nationale, lui a refusé l'asile politique. Il n'est pas inutile d'observer que celui qui a essayé vainement de le sauver, Jacques Foccart, décède à son tour 6 mois plus tard. Et au Zaïre, alors, sur le terrain ? À la mi-mai, les troupes de Kabila entrent dans Kinshasa. On craint alors le pire. Hein. Et Paris a pris la précaution d'envoyer là-bas des commandos de marine et des gendarmes du GIGN afin de protéger l'ambassade. Mais aucun coup de feu ne sera tiré. Pas de casse alors. Alors que les hommes de Kabila auraient pu faire payer à la France son implication dans le recrutement des mercenaires. Toutefois, deux Français sont quand même assassinés. Un chef d'entreprise et un ingénieur abattus à bout portant par 3 hommes en uniforme qui ont pénétré dans les locaux de l'usine où ils travaillaient. Aussitôt, à l'ambassade de France, on prend peur. On envisage même l'évacuation. Mais dès le lendemain, ces mesures d'urgence sont annulées. Et on donne même une version différente de l'assassinat de nos 2 compatriotes. Quoi ? Dans un communiqué, l'ambassade de France prétend maintenant que les Français ont été tués par balle à distance à travers une baie vitrée. Bref, ça ressemble à un règlement de compte et il n'est plus question de parler de vengeance de la part des soldats de Kabila. Il a donc été déjà décidé de ne pas se mettre à dos le nouveau pouvoir. Et surtout, de faire oublier au plus vite le piteux épisode des mercenaires envoyés par la France. Et justement, alors, ces mercenaires-là, que sont-ils devenus ? Quand ils ont quitté Kisangani en catastrophe à la mi-mars 1997, Yugo et ses hommes se sont d'abord réfugiés à Gbadolite, chez Mobutu. Et ensuite, ils ont traversé le fleuve Zaïre pour se rendre au Congo-Brazzaville, où ils ont immédiatement trouvé à s'employer dans la guerre civile meurtrière qui oppose alors les 2 rivaux, Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Mais ils referont parler d'eux en 1999. Quel propos, là ? Yugo, le redoutable Pélémis et 3 autres anciens mercenaires seront arrêtés par les autorités de Belgrade. Ils auraient fomenté un complot destiné à abattre le président Milosevic. Et pour le compte de qui ? On a évoqué les services français, mais vous le savez bien, on ne prête qu'aux riches. Cette émission a été réalisée par Michel Billou, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca de Nantes. De quoi voulez-vous parler aujourd'hui ? De 2 livres parus récemment, Patrick. D'abord, Les Tueurs de la République du journaliste Vincent Nouzil. Une histoire très documentée des services de renseignement français, où il est question notamment des fameux mercenaires du Zaïre. Le livre révèle aussi l'existence de la très secrète cellule Alpha et de son permis de tuer sur ordre du seul président de la République. C'est paru chez Fayard. Et aussi « La fabrique des barbouzes » de Jean-Pierre Batte, une synthèse passionnante du travail que cet historien réalise depuis plusieurs années sur les archives du fonds Jacques Foccart. Il nous raconte ici la naissance de la France-Afrique et c'est paru chez Nouveau Monde Éditions. Vous pourrez nous retrouver, avec ces titres en particulier, sur franceinter.fr à samedi prochain.